Pour Andrew, le processus du Ferment Lab a commencé et s'est terminé avec la fabrication de kimchi, le plat de choux fermenté coréen. Dans le kimchi, on utilise une combinaison d'ail, de sucre, de sel et de piment.